Le malheur poursuit celui qui pêche, et le bonheur récompense le juste. Fais recherche de Paul, écoutez ma chanson. Chantier Monga, le comi vit pas le boyer. Jamais la mousse, j'y pèse production.